Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Frère Kumbu et son épouse Naomi. Ainsi que le pasteur Kabwe de Kakanda. Ils ont tous salué au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer le service, je voulais faire des remarques à toute l'Église. Au sujet de la prière pour le malade. Ce qui m'a amené à faire cette remarque, c'est parce que quand j'étais dans les bureaux, j'ai entendu l'ancien qui parlait d'un couple d'ici qui a un enfant muet. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que l'enfant ne parle pas. Dans les années qui sont derrière nous, j'avais fait la même remarque. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être éclairés sur toutes choses. Pour ce qui concerne les maladies, quand nous sommes malades, ce ne sont pas tous les cas où il faut envoyer une requête. Il y a des cas qui suscitent l'imposition de main. Il y a des cas qui suscitent l'onction. L'onction pour le malade. Il y a des cas qui nécessitent à tout prix faut amener le malade à l'église. Il y a des cas où il faut appeler le pasteur ou les anciens chez vous à la maison si le malade ne peut pas marcher. Magonjwa ingine ile na lumba pastori wala mzee akwe kunyumba aombe mgonjwa kama sitembee. Et en tant que chrétiens, nous devons différencier toutes choses. Na sawa Kristo tunapasha kuachanisha mambo yote. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mutawekea wagonjwa mikono na wagonjwa wataponywa. C'est une écriture qui doit être appliquée. C'est bien d'envoyer une requête. L'Église priera. Les anciens prieront. Le malade sera guéri. Mais ce n'est pas du tout ce qui nous est demandé dans la parole de Dieu. Lakini aina ile inetuomba ndani ya neno la Mungu. La prière d'ensemble vous permet de fortifier la foi du malade. Maombi ya batu ba mingi iko lazima njoo kukankamisha imani ya mgonjwa. Mais il y a des écritures qui sont exigées. Qui sont applicables de rigueur. Et l'Église doit être informée de ça. Il y a des maladies qui nécessitent qu'on envoie des linges sur lesquels on va prier. Il y a Et tout ça, ce sont des cas différents. Na ile yote ni magonjwa inaachana hii na ingine. Selon que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit. Fatana na vile mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Quand vous prenez Jacques chapitre 5 verset 14. Mkubwa Yakobo sura 5 mstari ya 14. C'est une écriture que beaucoup de croyants négligent. Cette écriture est pour les membres de l'Église. De croyants. Ce n'est pas une Église pour les païens. Ce n'est pas une écriture pour les païens. Dans Jacques au chapitre 5, dans son verset d'abord 11, la dernière phrase, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dans son verset 13, quelqu'un parmi vous est-il souffrant? Il est souffrant. Il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Aite waze wa kanisa. Et que les anciens prient pour lui. Na waze wapate kumombea. Aloigna l'huile au nom du Seigneur. Mukumpaka mafuta mujina la Bwana. La prière de la foi sauvera le malade. Maombi ya imani itaokoa mgonjwa. Et le Seigneur le relèvera. Na Bwana atamulamusha. Et s'il a commis des péchés. Na kama alitenda mazambi. Il lui sera pardonné. L'écriture que Jacques utilise ici est conforme à Marc 6, verset 12-13. Dans l'Ancien Testament, c'est conforme à Lévitique 14, versets 9 à 18. Les croyants qui sont membres de l'Église, qui sont déjà baptisés, sont priés de mettre cette écriture en pratique. Et c'est très important. Il ne faut pas seulement envoyer des requêtes ici. Regardez du temps de Jésus-Christ. Dans Matthieu au chapitre 8. Dans son verset 16. Il est dit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans Matthieu au chapitre 9, dans son verset 2, Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Dans Matthieu au chapitre 14, dans son verset 35, les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Dans Marc au chapitre 1, dans son verset 32, il est dit: le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Allez jusqu'en bas. Croyez bien, mes frères. Il faut apprendre à mettre en pratique les Saintes Écritures lorsque on est malade. Voyez bien, mes frères, l'imposition des mains est une partie de l'écriture que vous ne devez pas oublier. Regardez tous les cas qu'on a déjà amenés ici dans cette église, ou même dans nos églises sœurs. Quand les gens amènent un malade, l'église prie, les anciens imposent les mains, les résultats sont toujours positifs. Voyez bien, mes frères, apprenez à vivre comme ça. Pour tous les cas qui semblent être difficiles à vos yeux, à votre foi, amenez-les à l'église, appelez les anciens, parce que c'est une commission du Seigneur qui doit être appliquée et le résultat sera toujours positif. Que Dieu vous bénisse. Je voulais seulement dire ça avant de commencer la prédication. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Et celui qui a des oreilles, entende. Nous prenons Ruth au chapitre 1. Ce sont les écritures que nous avons lues hier. Et nous prendrons aussi Lévitique 25. Merci, notre Père. Nous avons confiance et foi en toi. Que toutes les prières qui t'ont été adressées ici, depuis le matin jusqu'à 7h, ont reçu un écho favorable auprès de toi. Nous attendons la matérialisation de ce que nous avons prié pour que nous puissions nous réjouir et donner gloire à ton nom. Bénis ton serviteur, bénis les frères et les sœurs, souviens-toi de ceux qui sont en ligne, bénis la parole que nous allons lire bientôt, conduis-nous en toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Ruth au chapitre 1, versets 1 à 4. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maklon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourit et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpah et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Lévitique 25, versets 23 à 24. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tous les pays où vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est depuis hier que nous parlons du rachat. Nous avons dit que le rachat est un acte divin que Dieu lui-même accomplit en faveur de son peuple élu. Le rachat est une possibilité que Dieu avait donnée à Israël ou aux enfants d'Israël de récupérer tout ce qu'ils avaient perdu pendant la période de leur pauvreté. Nous avons montré que le rachat est une question d'amour. C'est ainsi qu'avant de parler du rachat, il ne peut pas y avoir de rachat sans parent rédempteur qu'on appelle proche parent, qu'on appelle aussi un vengeur de sang. Nous avons un peu parlé du vengeur de sang en cas de meurtre. Et nous avons dit ceci. Il faut toujours différencier les rachats d'une propriété et les rachats des individus. Dans les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament, Dieu a montré comment le rachat devait se faire. Qui pouvait racheter un esclave? Un esclave israélite. Qui pouvait racheter l'héritage d'un esclave israélite qu'il avait perdu pendant sa pauvreté? Nous vous avons dit que pour ce qui concerne les propriétés, L'homme lui-même mutu ye mwenyewe pouvait racheter aliwezi kukombola ce qu'il avait vendu bile aluzishaka. Si lui n'avait pas de moyens, yeye alikosa namuna, son proche parent nduku yake wa karibu pouvait le faire, aliwezi kumkombolea. Si lui ne pouvait pas le faire, kama yakuwezi kuifanya, il n'avait pas de proches parents capables de le faire. Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe, pouvait racheter pour le pauvre, aliwezi kukombolea maskini, ce qu'il avait perdu pendant la période, ila alipotezaka, de pauvreté. Wakati ya umaskini yake. Mais en ce qui concerne l'homme, lakini kwa ile naangalia mutu, l'homme pouvait se racheter s'il avait des moyens. Mais nous avons attiré votre attention que pour l'homme c'était difficile. Pourquoi? Kama mtu anaanza kufika ye mwenye kujujisha, si un homme arrive au point de se vendre lui-même pamoja na jamaa yake, ainsi que sa propre famille, ni kusema anashiwa, il est poussé à bout, il n'a plus rien. Maintenant, il est makuta et qu'on n'a pas ta moule mboutoumoua à l'égypéleka. L'argent qu'il trouve dans la servitude où il s'est donné. À quoi est-ce que me permettre? Ça ne pouvait pas lui permettre. À rassembler ma moyen. Il réunisse assez de moyens. Dieu et du combo le yémonie. Il puisse racheter lui-même. Et du tout chez yémonie mboutoumoua. Il puisse lui-même se sortir de l'esclavage. À combo le jamaïaque. Racheter sa famille. À combo le maliaque. Il puisse même racheter sa propriété. Parce que le salaire qu'il recevait, il permettait seulement de vivre. Il a dit que mon rousseau n'a pas été couiché. Et il s'est vendu. Non, alijuzisha. C'est pour qu'il vive. Il a pas été couiché. C'est pourquoi l'amour de Dieu ya Mungu avait instauré ce jubilé pour libérer yubile, kumbola, ses élus, wateule, ses enfants yake, qui ne pouvaient pas se racheter. Dans Lévitique au chapitre 25, la Bible dit ceci. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. J'aime attirer votre attention, j'y reviens. Quand ton frère devient pauvre, la première des choses que ce frère devait faire, c'est de le soutenir. L'amour fraternel est fondamental dans chaque famille. Iko ya mafaa sana mukila jamaa. L'amour fraternel, mapendo ya kinduku, nous rend miséricordieux et compatissant. Yule tufanya warema na wahuruma envers nos frères. Kwa banduku yetu. En réalité, kwa kusema kweli kweli, chaque véritable frère, kila nduku wa kweli, et chaque véritable sœur doit toujours s'intéresser de la situation de son frère, de sa sœur. Quand vous remarquez que votre frère, votre sœur est en difficulté, vous êtes dans l'obligation de l'aider pour qu'ils vivent ensemble avec toi. Comment pouvez-vous remarquer que mon frère, ma soeur est en difficulté? Quand vous voyez déjà un frère, commence à demander. Vous voyez? C'est un signe que, qui vous montre konesha, que le frère nduku, ou la sœur dada, passe un moment de difficulté. Et vous devez maintenant le surveiller, pas avec l'intention de le mépriser, mais avec le souci de l'aider pour qu'il vive à côté de toi, pour qu'il participe à ta bénédiction. Les biens que nous avons, l'argent que nous avons, c'est pour aider nos frères, nos sœurs au moment de difficultés. L'Église est avec moi. C'est pourquoi Dieu nous les donne. Et nous devons être attentifs à la vie que mènent nos frères, à la vie que mènent nos sœurs. Prenons Lévitique 25, verset 35 à 38. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, vous voyez, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. L'Église est avec moi. Quand ma frère est comme Agumu, si un frère est en difficulté, Dada est comme Agumu, na anakunyoleshia mukono, kintu kia kwanza ni weye kufungula roho yako, kiriabuluma umpatie kil ambao kitawezi kumsaidia aishi kumpembeni yako a côté de toi. Hautaifanya paka na nduku yako. Adamu pagano, kama anakunyoleshia mukono, anakutembelea, anasema dada yangu, unipatie kombe keki ya bunga, batoto beko na njala, hawezi kumfungia mukono. Hawezi kumfungia roho yako. No bien aimé frère. Kama deja nduku yako eko mu difficulté. Si deja ton frère eko magumu, il n'a plus rien. Tu ne dois pas lui prêter par intérêt. Cela signifie qu'il est déjà en difficulté. Quelqu'un qui est déjà en difficulté, on a peine à compatir qui lui prêter quelque chose, ah, ou lui prêter quelque chose, et intérêt. Après tu lui demandes avec intérêt, il a intérêt à te toucher. Où est-ce qu'il va trouver de quoi t'ajouter encore? C'est pourquoi tu ne me conseilles pas. Nous vous avons toujours conseillé dans l'église. Tout qu'on a liberté, nous avons la liberté de nous entraider les uns envers les autres. Mais comme tu n'as fait qu'un petit peu, au point de nous prêter, tout Congochane, puis l'intérêt. Sans pourtant ajouter d'intérêt, sans usure. Comment on a Congochane, du coup, qu'on a intérêt, si ton frère avec pendant les temps de difficultés, là vous péchez. On attend dans Zambie. Kama unapenda kumpachia, si donner, umpachie bule. Si kama unapenda kumkongosha, umukongoshe bila intérêt. Est-ce que l'Église est avec moi? Umukongoshe na intérêt, unatenda nzambi. Si tu lui prêtes avec intérêt, là tu commets un péché. Et vous devez vous repentir. Non, on a pas ça kutubu. Tu lui prêteras point ton argent à intérêt. Tu lui prêteras point de vivre à usure. Non. Ça y est, mbeke chimbi. Mon retour, tu as l'ouchia, mbeke chitat. Pour me restituer, tu vas m'ajouter encore. On a dit à mimi qu'on commerçant. Moi, je suis commerçant. Nous pouvons faire un viachara. Donc, il aime que tu ne t'accompagnes pas, il peut te rapporter des bénéfices. Un chrétien ne raisonne pas comme ça. Un chrétien raisonne avec la parole de Dieu. Bile bin, il faut vous les frères et vous les sœurs qui avez l'habitude de le faire, il faut arrêter cela. Et surtout, comment on ne peut pas faire les vivres. Je vous dis avec toute affection, ne prêtez jamais aux frères de la nourriture. Donnez aux sœurs, aux frères, la nourriture. Je reviens là-dessus. Non, ça va, avant samedi, ça c'est tout à fait normal. On peut vous donner ça. Avant samedi, vous remettez. Pour qu'on remette aussi après José. Mais il faut éviter cela. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre auprès de toi et près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Vous voyez, quand un frère devient pauvre, il se vend à toi. Tu ne peux pas lui imposer le travail d'un esclave. Quand tu fais travailler un frère ou tu fais travailler une sœur dans vos activités, à part na kutumikisha ba dada, na banduku, il ne faut pas faire travailler les sœurs, les non, frère. On avait ba dada yako tu kukaji. Prends ta sœur pour travailler chez toi. Il est cajoué ou non pas tchako foigne. Le travail que tu lui donnes pour faire. Ou non pas tchama sous-vêtements, yako. Tu donnes tes sous-vêtements. Vous voyez. Nazakon. Il est cajoué ou non assez, mais. Le travail là que tu trouves que. Un travail répugnant. Yabougnant. Dieu, il est cajoué ou non pas tchako d'ailleurs. Le travail que tu donnes à ta soeur. Non, frère. À Panandou. Il faut éviter ça. Il n'a pas chaque pour que les bintou. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la révélation d'un frère ou d'une soeur. Voilà, dada ni nani. Est-ce que dada ya condamné à mouille, dani à mouille, duku ya condamné à mouille, ou le ambao, ou nazari kona ye baba moya mama moya, kama na umbeba mo activité ya ko, utaweza kumpatia kaji ya bucha faye kufanya. Souvent les frères et les sœurs dans la chair qu'on utilise dans nos activités, on leur donne des responsabilités, des places honorables. Ne les faites pas pour les frères et ne les faites pas pour les sœurs. Kama uko na tumikisha batoto ya Mungu, apprenez ya kuibeshimia. Il faut kuya kusema ni batoto ya Mungu. Na il faut kuya kusema ni banduku yako ne badada yako. Oui, va traiter avec honneur. Oui, va traiter avec respect. Oui, va traiter avec crainte. Parce qu'ils ont pour maître votre Dieu qui est le vôtre et qui est aussi le leur. Apana kupachia banduku na badada makaji ya butu moi des esclaves. Oh, mina muripaka, mina muripaka, mina muripaka. Apana. Il ne faut pas faire ça. Il sera chez toi comme un mercenaire. Ah, mundu ya kona tumikia mushara. Vous voyez? Comme celui qui demeure anekala kwa muda. Ni mateso ndio namufikisha akuya tumike kwako. Il sera à ton service jusqu'à l'année de jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs, ni batumishi yangu, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Et la Bible continue. Vous voyez, ils ne seront pas vendus comme on vend les esclaves. C'est pourquoi il est dit, s'il dominera point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. Quoi de nous, mes frères? Voyez bien, mes soeurs. Oui, frère. Oui, soeur. Namimi konate so sana bonangwe konate so pa kupata makuta ekona waya waya sana akuna kucheza na kazi. Des fois nous parlons comme des insensés, parce que vous ne connaissez pas celui qui est à côté de toi ou celui qui te sert. Mui dunia umu, il n'y a rien de certain. Akuna bitu ya uhakika. Dans ce monde ici, il n'y a rien de certain. La vie de tout homme est incertaine. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent. Demain, tu manques du travail. Et demain, tu peux avoir un travail. Demain, tu n'as pas du travail. Tu peux manquer du travail aujourd'hui. Et demain, tu es embauché. Voyez, c'est pourquoi en vivant, soyons sages. Dans notre comportement, soyons sages. Il n'y a rien qui empêche à Dieu de faire de ton travailleur boss. Parce que Dieu élève aussi les pauvres. Il les sort des fumiers. Il les fait asseoir avec les grands, c'est Dieu. C'est pourquoi dans ce que nous faisons, soyons respectueux, respectez les autres et ne soyez pas méchants. Mettez-vous toujours à la place des autres. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a interdit à Israël de prendre des esclaves parmi les enfants d'Israël. Les esclaves, comme vous les lirez, dans le verset 44 jusqu'au verset 46, c'est des nations qui vous entoure que tu prendras ton serviteur et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez les serviteurs et la servante. Vous pourriez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays. Ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Vous voyez bien mes frères. Voyez bien, mes soeurs. Traitez correctement les frères. Traitez correctement les soeurs. J'ai toujours conseillé à beaucoup de frères. Quand on a tumika na ba frères, si tu travailles avec na ba frères et des soeurs, mounam na kuibari pa, la façon de les payer, a pa na kubeba mesure ya ba paganu. Il ne faut pas prendre le même salaire que vous payez. Non, ba paganu wana ripa kabina hivi. Voilà les tarifs. Ripa, mounam na kusema dada yako, na nduku yako a vivre mzuri. Vivre correctement. C'est ça l'objectif, ya kubeba bibi yako, ya kubeba dada yako, nduku yako. Ta soeur ou ton frère pour travailler pour toi. C'est pour qu'il vive avec toi. Ne sois pas méchant. Non, bien aimé frère. Dans Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Dans son verset 7, je prends cette écriture. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu lui fermeras point ta main devant ton frère. Ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi de tracer méchant pour dire à ton cœur, la septième année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il cria à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Je n'ai pas le temps d'en parler en profondeur. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Comment on a servi les frères et les soeurs correctement. Dieu du ciel. Comme les frères et les sœurs vivent par vos activités, ils vivent par vous, vous êtes un moyen de servir pour les sœurs ou pour les frères. Dieu est obligé de vous bénir pour que cette sœur ou ces frères-là continuent à vivre avec toi. Tu seras une source de bénédiction pour ces frères. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est pourquoi n'agissons pas comme des méchants, comme des païens à l'égard de nos frères, à l'égard de nos sœurs. Soyez toujours compatissants. Mettez-vous à la place des autres. Oui, bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est même la raison fondamentale qui fit que Dieu lui-même vienne nous sauver. Dieu a pris notre place. Il a compati à nos malheurs, à nos maladies, à notre mort, à notre souffrance. Il a résolu de venir pour nous alléger la tâche. Vous me suivez là derrière? Là derrière. Est-ce que vous suivez là derrière? Ça va, levons-nous pour la prière. Ça va, tu suis même déjà comba. Levons-nous pour la prière. Prions-nous tous ensemble. Père céleste.